Bonsoir Daniel. Étant donné que je suis dans ma peau de sociologue, je me fais appeler Jean-Marc. C'est un défi intéressant pour un sociologue qui aime les choses quand même tangibles de pouvoir interviewer quelqu'un sur les peuples, mais surtout les peuples de l'invisible. Ouais, mais c'est tangible, ça se touche, ça se voit pas. Justement, ce qui est intéressant, ce qui pourrait être intéressant, ça se touche, mais ça se voit pas. C'est ce que tu dis ou ça... Ben, tu dis que tu veux parler de choses tangibles, on peut parler des peuples qui se touchent, mais qui se voient pas. Oui. Ben là, on pourrait parler de solitude entre les peuples ou des choses comme ça. Mais si on essayait de définir au préalable la notion d'invisible, de peuple invisible, mais d'abord, ça s'adresse à quel schéma d'observation, c'est quel schéma de conscience est d'abord concerné par la notion de peuple invisible sur lequel tu veux développer ce soir? Bon, moi, j'ai aucune idée de quoi je vais parler ce soir. C'est un titre comme ça qu'on a trouvé et qu'on a placé. OK. Alors, je n'ai aucune idée. Ça dépend de l'intervieweur. Puis, si l'intervieweur n'a pas de questions, bien là, je parle et puis ça devient intéressant. Mais est-ce que, dans un premier temps, puisque tu aimes avoir des questions précises, je vais t'en donner. La première, est-ce que le schéma d'explication que tu vas apporter sur les questions, on se positionne au préalable, est-ce que ça s'adresse à l'animal humain ou à l'humain? À quel niveau de conscience est-ce que on va faire référence pour définir ce qui est visible, de non visible ou d'invisible? Bon, la majorité des conférences que je donne ne s'adressent à peu près pas à l'animal humain, c'est-à-dire à l'être humain qui a de l'orgueil, a de l'ego, qui se prend pour une créature fantastique, qui est toujours en train d'être manipulé par la température, par le visage de son voisin, par la quête de l'argent. C'est l'animal humain qui s'ennuie régulièrement, qui veut être immortel malgré tout, qui prie Dieu quand il y a des problèmes, qui oublie Dieu quand il n'y en a plus, et puis qui magasine les religions. Je ne parle pas, non, les conférences que je donne ne s'adressent pas à l'animal humain directement. C'est bien évident que dans la majorité des corps physiques qui assistent aux conférences, il y a premièrement de l'intelligence, donc il y a de l'être. Il y a aussi de l'animal, c'est-à-dire qu'il y a encore ce phénomène où le mâle est toujours en train de vouloir sauter la femelle, où la femelle discute de corde à linge, d'un paquet de choses. Il y a l'angoisse, il y a le stress, il y a la peur, il y a ce paquet de choses qui animent et qui stimulent l'humain depuis que l'humain, l'animal humain depuis que l'animal humain sur la planète Terre, comme l'amour, entre autres, qui est une grande farce. Alors, par contre, la conférence s'adresse normalement à l'être humain, c'est-à-dire à l'alliance entre l'intelligence qui habite l'homme et les mémoires qu'étipale, donc l'animal qui habite aussi l'homme. Alors, si on regarde les peuples de l'invisible, eh bien, l'animal humain, de toute façon, lui, les peuples matériels sont d'ailleurs invisibles pour lui. Hein? Un humain normal, il se promène sur la rue, puis il voit personne. Alors, les peuples sont tout à fait invisibles, même s'ils se cognent le nez dessus. Ça, c'est l'animal humain, qui ne voit que son nombril, qui ne voit que son bonnet. Il y a l'être humain, et normalement, les personnes qui se déplacent sont des personnes qui ont cette caractéristique d'être suffisamment énergisables pour être des êtres humains, sinon des êtres, donc suffisamment intelligents. Et l'être humain, lui, peut écouter la conférence comme pensant qu'elle s'adresse à lui, pour la simple raison que c'est à partir du point de vue de la majorité des consciences évolutives que les conférences sont données. Donc, on s'adresse à l'être humain. Du point de vue de l'être humain, les peuples de l'invisible, ce sont des peuples qui peuvent perceptiblement, sensiblement l'influencer. Ce sont des peuples qu'il a peut-être déjà rencontré, soit par le sommeil, le rêve, par la méditation, la prière, ou encore simplement par un contact, soit tactile, soit visuel. On peut parler par exemple des Schtroumpfs, qui sont un peuple de l'invisible, qui à un moment donné a été suffisamment perçu par un bonhomme qu'il en a fait une maladie, il a écrit des livres. Il y a les farfadets, les lutins, les gnomes, il y a les forces belzébutiennes qui ont été rencontrées à un moment donné en Écosse, dans le coin de Fedorm. Il y a ce genre de peuple de l'invisible qui, de temps en temps, sont plus côtoyés par l'humain, alors que normalement, ils restent invisibles à la majorité des animaux humains, ça va de soi. Il y a d'autres peuples de l'invisible qui s'attaquent ou qui s'adressent aussi à l'animal comme à l'être humain, mais la conférence s'adresse quand même plus à l'être humain. Ça peut être ce qu'on appelle les fantômes. Alors, que ce soit des esprits tapageurs, des esprits fondeurs, que ce soit des esprits voyageurs, des esprits épeureurs, qu'il y a un paquet de phénomènes. Quand on parle d'esprits, évidemment, j'emploie le terme que l'occultiste emploie, alors que ce ne sont pas des esprits, mais plutôt des entités. Ça fait partie des peuples de l'invisible. Il y a aussi tout ce qui se trame dans le monde de la mort, c'est-à-dire lorsqu'un individu a perdu le corps physique, lorsque son âme a traversé le plan moroncial, le lieu de transition, et lorsque l'âme a intégré le monde de la mort, le ciel, eh bien, il y a aussi dans ce continuum de la mémoire, il y a donc la mémoire des disparus. Alors, s'il y a de la mémoire, nécessairement, il y a aussi des mécaniques. Il y a des guerres, il y a des paix, il y a des lois. Donc, on peut aussi parler là de peuple de l'invisible qui a une certaine forme d'interférence, qui engendre des interférences avec la conscience, la pensée, ou même l'esprit qui descend chez l'homme, chez l'être humain conventionnel. Mais un peuple, pour toi, c'est quoi? Un peuple, c'est une forme d'organisation? Mais... Non, pas ben oui. Un peuple, c'est premièrement un troupeau. Ça, c'est un peuple. Alors, lorsqu'on regarde un peuple d'abeilles, on dit un essaim. Lorsqu'on regarde un peuple de loups, on dit un troupeau. Et lorsqu'on regarde un peuple d'humains, on dit un peuple. Puis quand on regarde... Mais c'est comme comparer du cochon à du porc. Mais quand on regarde un bouillon de culture, on dit que c'est un agglomérat aussi de microbes, c'est un bouillon de culture. Oui, mais on n'osera pas mettre le mot peuple, parce qu'on ne veut pas que les loups, que les abeilles ou que les microbes soient un peuple, parce que nous sommes un peuple. Et dans notre orgueil, on ne veut pas être comme des abeilles, on ne veut pas, on ne veut pas vivre en troupeau. Par contre, l'humain vit totalement en troupeau. Il a des chefs, il a des réactions de masse. Quand un troupeau vire à droite, ben, toute la gang suit. D'ailleurs, les théologies parlent énormément du troupeau. On parle du troupeau, on parle de brebis, on parle de etc. Alors, c'est un troupeau de moutons, ça suit encore plus. Là. Mais si pour un peuple, il y a un chef et des réactions de masse, dans l'invisible, restons dans le domaine de l'astral planétaire, là, pour l'instant, les notions de Farfadeg, gnome et ainsi de suite, est-ce qu'il y a des chefs et des réactions collectives, des hiérarchies là-dedans? Bon, au niveau des Farfadeg et de ce genre de peuple invisible, il y a des hiérarchies. Maintenant, ces peuples sont beaucoup plus de nature vitale, donc éthérique, planétaire, que de nature astrale. Ils sont manipulables par les forces astrales. Ces peuples sont normalement des peuples exécuteurs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'intentionnalité, qu'ils n'ont pas d'ego. Donc, ils ne peuvent pas être manipulés par l'illusion d'avoir un désir. Ils sont manipulés par l'illusion de recevoir des ordres. Alors que l'être humain, lui, a un ego, il a une âme, il a un ego. Et dans ce virus humain, il y a l'illusion de pouvoir décider, de faire des choix et de prendre des désirs. Alors que l'être humain ne fait jamais de choix, n'a jamais de désir réel, ce sont des colorations dans sa conscience, l'être humain étant totalement manipulé, n'ayant aucun libre arbitre. Donc, chez les gnomes, farfadets, les lutins, ces choses-là, ces êtres d'ordre vital surtout, alors que l'être humain est d'ordre vital, astral, mental et contingent supramental, disons à coloration supramentale, chez lui, il y a l'ego. Alors, si on regarde ces peuples, ils sont exécuteurs, cela veut dire que le moindre moment qu'ils rencontrent une énergie supérieure à elle qui leur donne un ordre, l'ordre peut être mécanique ou intentionnel, ils les exécutent. Ils ont donc des hiérarchies, c'est-à-dire que les lutins sont l'un des ordres les plus proches de l'humain. Le phénomène des lutins est un ordre qui se rapproche de la phase égoïsée, c'est-à-dire qu'ils ont presque l'illusion d'avoir des désirs. Leurs désirs sont d'un ordre émotif beaucoup plus bas que celui de l'homme, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas transformer un désir émotif en illusion de désir logique, conséquentiel ou mental ou mathématique. Donc, le lutin qui est dans la structure hiérarchique des peuples de l'invisible, des plans vitaux, est un peuple qui a presque la capacité de décider, d'avoir l'illusion de décider. Tous ses choix ne sont qu'émotifs. C'est-à-dire qu'il peut avoir peur et dans sa peur, il fuit. Il aura presque suffisamment d'ego pour dire « j'ai décidé de fuir » alors qu'il n'a rien décidé du tout. Il est capable d'aimer une fleur, d'aimer une atmosphère et lorsqu'il aime une atmosphère, il vibre à un point tel qu'il devient invisible. Alors donc, s'il s'approche d'un individu, d'un être humain ou d'un animal et qu'il se sent suffisamment bien pour vibrer, l'animal peut le voir ou l'individu, l'humain, peut aussi l'apercevoir. Et c'est encore une réaction d'ordre émotif et il pourra dire, prétendre, il est presque au stade où il peut prétendre avoir décidé d'apparaître. Alors qu'il n'a pas décidé d'apparaître, la preuve c'est que tant qu'il va vibrer, il sera visible et il ne peut redevenir invisible que s'il baisse en vibration et normalement ce sera la peur. Si on fouille au niveau de l'énergie vitale dans le monde de l'énergie tellurique, est-ce qu'il y a des entités là, qui gèrent aussi l'équilibre tellurique de la planète? Je crois que oui. Bon, alors justement, il y a donc ces lutins qui sont habilités, ils font partie des peuples vitaux, ouais. L'une des hiérarchies les plus supérieures, et tous ces peuples d'ordre vitaux ont comme fonction l'entretien des structures vitales de notre planète. Donc, certains ont comme fonction d'entretenir la structure atomique de certains cristaux, d'autres la structure atomique croissante des plantes, d'autres la structure atomique de l'air, de l'eau, des formes de vie, c'est-à-dire de la procréation. Est-ce qu'ils sont susceptibles d'évoluer? Ils ne sont pas susceptibles d'évoluer, comme d'ailleurs l'homme, l'âme de l'homme n'est pas non plus susceptible d'évoluer. Ils n'évoluent pas biologiquement pour la simple raison qu'ils ne se reproduisent pas d'une façon génétique, c'est-à-dire qu'ils se divisent, ça reste un clonage. Donc, il n'y a aucune forme d'évolution comme nous allons la retrouver au niveau des sphères animales ou hominales, ou encore végétales. Alors, ils se reproduisent par permutation, c'est un clonage, il n'y a pas de reproduction sexuée. Donc, il n'y a pas d'amélioration génétique. Et étant donné qu'ils sont d'ordre vital, ils n'ont pas suffisamment de mémoire aussi pour cellulariser des transformations. Et surtout, ce sont eux qui, par exécution, orchestrent les mutations de notre planète. Donc, ils vont engendrer à un moment donné des époques glaciaires. Ils vont engendrer des époques plutôt solaires. Ils vont engendrer des structures de tremblements de terre. On parle évidemment de peuples de l'invisible qui vivent dans l'enfer, c'est-à-dire au centre de la Terre, là où on retrouve les cendres de Lagartha ou de Shambhala. Mais la montée vibratoire de l'humain en termes d'énergie évolutive, il va évoluer puis il monte en énergie vibratoire. Est-ce qu'il y a une relation de dépendance énergisante pour ces entités-là? Faire attention avec le terme évolution. Il y a deux formes d'évolution. Il y a l'évolution darwinienne, il y a l'évolution, on pourrait dire cellularisante, l'évolution énergisante, une évolution qui est beaucoup plus par contact avec l'intelligence. Alors, il y a transformation en style de Darwin, c'est-à-dire qu'il y a l'élimination dans les peuples, dans les races, des animaux, des êtres les plus faibles. Il y a croissance génétique et reproduction génétique de ceux qui survivent, donc des plus forts. Et en même temps, à travers la vie de chacun des individus d'une espèce ou d'un peuple, il y a cellularisation, donc il y a un codifiage au niveau de la structure d'ADN des cellules qui peuvent être transmis génétiquement aux enfants. Et normalement, l'animal, lui, va avoir une forme d'évolution exclusivement adaptative, comme l'animal humain. Il s'adapte aux conditions. L'animal humain, lui, a aussi un schéma différent d'évolution, une évolution qui est beaucoup plus de conscientisation, c'est-à-dire qu'il reçoit de l'énergie. Alors, originalement, son énergie qui le poussait provenait des forces telluriques, donc elle était régie par les peuples de l'invisible d'ordre vital, c'est-à-dire par les lutins, les farfadets, ces choses-là, les gnomes. Et c'est pourquoi, dans les antiques traditions, on parle de ce contact entre l'être humain et les lutins. Alors, on a des traditions où on avait un village, par exemple, où les êtres humains, lorsqu'ils prenaient leur sieste le midi, après leur sieste, ils se réveillaient, et là, le cordonnier se rendait compte que les souliers avaient été finis d'être réparés, que le moulin avait fini de moudre le blé, que les bâtiments ou le bois à fendre étaient fendus. Alors, lentement, les humains, par peur, ont voulu voir ce qui se passait. Alors, à un moment donné, ils ont eu suffisamment de courage pour, de stupidité, pour faire semblant de faire leur sieste, ils ont attendu. À un moment donné, ils ont entendu du bruit, ils ont ouvert les yeux, ils ont vu des lutins en train de finir leur travail, ils ont eu tellement peur qu'ils ont attaqué les lutins. Et depuis ce temps-là, l'être humain a changé d'étape, c'est-à-dire que d'ordre associatif avec les forces, avec les peuples de l'invisible vital, il est devenu exclu par ces peuples, et depuis ce temps, l'être humain, à part certaines personnes, ne peuvent plus avoir de contact visuel ou tactile ou olfactif ou gustatif ou auditif avec ces peuples de l'invisible d'ordre vital. Maintenant, il y a donc cette forme d'évolution. C'est l'être humain, lui, évolue depuis ce temps avec un contact, depuis qu'il a perdu le contact vital, donc avec ses forces, avec ses peuples de l'invisible. Toute forme d'évolution, comme on a connu dans le passé, qui parle de la montée d'une énergie kundalinienne, donc de la kundalini, à travers les centres d'énergie, les carrefours d'énergie qu'on connaît aussi sous le nom de chakra, le long de la colonne vertébrale. Cette forme d'évolution est totalement arrêtée depuis la séparation de l'étape de conscience entre l'être humain, ou l'animal humain, et les peuples de l'invisible d'ordre vital. Depuis ce temps, il y a une énergie solaire, une énergie qui provient de l'extraterrestrialité de notre monde, c'est-à-dire un phénomène extraterrestre qui n'est pas humanoïde, c'est-à-dire ce n'est pas un extraterrestre dans un vaisseau spatial avec des pitons. C'est simplement une énergie, comme l'énergie solaire est extraterrestre, elle n'est pas rayonnée par notre Terre, elle est rayonnée par le Soleil, donc elle est solaire, elle est stellaire de notre système, mais elle n'est pas terrestre. Il y a cette énergie maintenant qui vient frapper le centre, un des centres d'énergie placés dans le sommet, autour du sommet de la tête du corps vital de l'être humain, et qui maintenant a une tendance à refaire le cheminement inverse de la kundalini, c'est-à-dire qu'il descend le long de la colonne vertébrale pour pouvoir faire en sorte que le corps de l'homme finisse par mutation à devenir suffisamment solide pour recevoir suffisamment de lumière d'énergie. Et cela va se transmettre dans sa conscience par de l'information, donc un savoir que l'ego pourrait appeler connaissance, mais ce n'est pas de la connaissance. Et depuis ce temps, l'être humain a une évolution ascendante qui est différente de l'évolution darwinienne, exclusivement adaptative. L'être humain non seulement ne s'adapte à peu près plus du point de vue biologique, mais adapte de plus en plus l'extérieur par ce cheminement de conscience. Les peuples d'ordre vital, les peuples donc qui gèrent la structure vitale de notre planète, ce n'ont pas d'évolution proprement parlée. Comme hiérarchie, la force belzébuthienne ou encore Belzébuth est représentée souvent sous forme de demi-corps d'homme chevauchant le corps d'un bélier immense, grand comme un cheval, qu'on retrouve sur différentes stèles ou différentes écritures du Moyen Âge et du passé. Ce Belzébuth est la structure concentrée d'orchestration des forces vitales, donc de la majorité des peuples de l'invisible d'ordre vital. Peuple de l'invisible, toujours présent auprès d'une plante. Regarde l'exemple. Quand un individu parle d'une plante, la plante ne comprend rien, elle n'a pas de système auditif. Par contre, l'individu du peuple qui s'occupe de la plante, on pourrait parler d'un gnome, le gnome, lui, résonne. Il résonne à la voix, il est capable d'entendre. Il résonne à la vue parce qu'il voit. Alors, il résonne donc aux couleurs, il résonne à l'ambiance, il résonne à tout ce que l'on fait à sa plante. Et étant donné que lui, lorsqu'on travaille avec sa plante, lui, augmente son taux vibratoire pour la simple raison qu'on lui permet de travailler un peu moins, cela lui donne plus d'énergie, de l'énergie vitale, celle qui va servir justement à gérer la vie de la plante, eh bien, il augmente son potentiel d'énergie vitale. L'augmentant, il a une vibration plus haute. Ayant une vibration plus haute, ses capacités augmentent. Et nécessairement, il a la faculté de s'occuper un peu mieux de la plante. Donc, lorsque l'on parle à un gnome d'une plante, on peut dire à la plante va se porter mieux. Par contre, s'il y a une espèce de discordance entre l'individu qui s'occupe de la plante et les gnomes attachés à ces plantes-là, nécessairement, les plantes auront de la difficulté à pouvoir fonctionner. Ce n'est pas la plante elle-même. Est-ce que ces plantes-là, c'est même les plantes qu'on a dans nos maisons aussi? Sauf les plantes en plastique qui sont régies par un autre peuple. OK, ici, ce sont les... Il y a des peuples qui gèrent la structure atomique de ces plantes de plastique. Ouais. Des peuples qui sont extrêmement moins évolués, des peuples cristallins, des peuples stables, stagnants, qui n'ont aucune conscience, qui ne savent même pas qu'ils sont là. Mais on peut appeler ça un peuple en ce sens que c'est d'une forme, une structure vibrante d'énergie, donc vivante, qui permet la conservation de la mémoire atomique des plantes, ce qui fait en sorte que les plantes... que la structure, disons, du plastique ne tombe pas en morceaux, ne s'effrite pas, elle se conserve en mémoire. Pourquoi? Parce que les atomes, ainsi que tout ce qui entoure cette feuille, est régi par un individu d'une structure qu'on peut appeler un peuple de l'invisible. Parce qu'on pense souvent que l'être humain est vivant, que l'être humain est la seule entité vivante avec les animaux et les plantes, parce que les plantes poussent. Mais c'est comme de dire, par exemple, parce que je vois un morceau de métal qui rouille, il est vivant. On va dire, non, il est mort parce qu'il pourrit, il se défait. La rouille est vivante, la rouille ne se défait pas, la rouille elle grossit. On a une idée assez farfelue de la vie, parce que quand on regarde une personne qui est décédée à côté d'une personne qui est morte, à côté d'une personne qui dort plutôt, ben nécessairement on ne voit aucune différence si on ne peut pas voir leur système respiratoire fonctionner. La vie, c'est simplement ce qui permet la conservation de la mémoire d'une forme. Lorsque la vie est plus évoluée, la vie permet aussi la croissance de la mémoire de la forme. Et lorsque la vie est extrêmement évoluée, elle permet aussi la réception d'intelligence. Alors donc, la table ici, elle est vivante. Sa forme est conservée. Le feu, c'est vivant. La plante, elle peut croître. Alors, c'est une forme de vie plus évoluée, mais c'est vivant. Il y a donc des peuples de l'invisible qui les gèrent. Si on fait des correspondances entre le mental et le supramental, entre l'astral et le plan bouddhique, le plan de l'intentionnalité divine se retrouve dans la structuration des formes physiques. Est-ce que c'est exact? C'est une forme, c'est la traduction de... Il s'y retrouve, oui, mais d'une façon mécanique et non pas d'une façon intentionnelle. Oui, c'est une exécution d'une intentionnalité. Qui échappe maintenant à la création. C'est ça. Oui. Si on prend, là, on considère le plan vital, il y a le plan astral aussi, en termes... C'est le désastre, celui-là. Mais sauf qu'il y a aussi des peuples là-dedans. Ah, il y a une hiérarchie. Il y en a trop. Est-ce que l'astral peut... empiéter en termes de hiérarchie vers le vital et ainsi de suite, là, si on regarde les différents plans d'énergie. De temps en temps, de façon à libérer un peu plus d'énergie vitale, donc d'énergie tellurique de notre planète, les structures de ces peuples vitaux vont orchestrer des incendies de forêt, par exemple, des incendies majeurs, des tremblements de terre, des ouragans, des cyclones, ce genre de choses qui permettent de travailler le sol, travailler aussi la terre du point de vue tellurique Et cela donne de l'énergie vitale qui peut nous permettre, ou qui peut permettre à ces peuples de reconstituer plus facilement la structure même de notre planète. Pourquoi dans chaque fin de cycle de race, on parle d'apocalypse et de grandes catastrophes? Comme actuellement, lorsque l'être humain fait une technique de respiration ou une technique de relaxation, il parvient à être aussi relaxé dans le meilleur des cas que l'étaient ses arrière-grands-parents lorsque ceux-ci étaient stressés. Alors, on avait des personnages à l'époque qui n'auraient jamais pu subir le stress que nous vivons aujourd'hui. Maintenant, il faut comprendre que notre corps physique ayant évolué énormément, nous pouvons supporter des doses plus massives d'énergie, négative ou positive. Mais dans chaque fin de cycle, que ce soit la disparition de la Terre blanche, de l'Hyperborée, de la Lémurie, de l'Atlantide et peut-être finalement de l'Europe et de l'Amérique, il y manque tellement d'énergie vitale parce que le peuple, qu'on appelle l'être humain, pollue tellement sa structure planétaire, elle en est à 80% polluée. Alors, l'énergie vitale nécessaire à la préservation des structures de vie est en demande d'une façon telle que l'être humain ne peut plus faire autrement que de manquer un peu de cette énergie. Alors, nécessairement, comme d'ailleurs toutes les formes minérales et végétales, il y a de moins en moins de reproduction. Il y a de plus en plus de stérilité. Et il y a surtout une progression relativement sensible de la fatigue. L'être humain arrive à un point où il peut physiquement supporter le stress, mais en même temps, sa conscience bloque au niveau de l'évolution parce que le corps, ainsi que le corps vital, est trop fatigué. Normalement, pour pouvoir restructurer la planète de façon à réengendrer de la vie suffisamment vibrante, pour que cesse cette mort lente, ce vieillissement prématuré de la surface de notre planète, un apocalypse devient extrêmement intéressant. Dans le feu, nous allons retrouver une espèce de vie mort ou de mort vivante où la flamme a la faculté de détruire le peuple, l'individu d'un peuple de l'invisible qui assujettit un objet, un gnome par exemple. Si tu brûles un morceau de bois, le gnome qui est avec l'arbre part avec lui, il est brûlé, il devient de l'énergie vitale et il sera structuré en matière dans le but de recréer une autre plante par exemple ou encore de permettre la vie d'un animal. Lorsque nous avons affaire à des tremblements de terre, eh bien, il y a des dévastations majeures, ce qui fait qu'il y a énormément de mortalité. Prenons l'exemple du parc Yellowstone qui a brûlé sur une grande superficie. Cela permet à la planète et surtout à la région du parc de sauver énormément d'énergie vitale. Autrement dit, les peuples de l'invisible qui gèrent l'évolution, disons, végétale et minérale, animale et minérale sur le plan planétaire, ont décidé d'émonder les arbres. Alors, ils ont émondé en réalité le sol. Alors, il y a le feu. Et une grande partie de la forêt brûle au complet, ce qui fait que le reste, et ainsi que le territoire souterrain, a maintenant beaucoup plus de vie à sa disposition parce que tout ce qui était en haut est mort. Lorsqu'il y a des apocalypses majeurs, c'est toujours régi par de l'intelligence qui passe au travers de la structure astrale qui manipule la pensée de l'homme et qui aussi descend à travers les structures des peuples de l'invisible d'ordre vital de façon à engendrer une destruction massive de tout ce qui apparemment vit un état de croissance. Cela donne un repos total à la planète. Alors, lorsqu'on détruit, par exemple, 2 ou 3 milliards d'êtres humains, il y a énormément d'énergie vitale pour ceux qui restent. Et ceux qui restent vont retrouver une énergie, une vigueur. On va dire que c'est parce qu'ils ont le goût de vivre suite au désastre. Ils peuvent haïr et vouloir vivre plus longtemps. Ils vont avoir de l'énergie pour travailler jour et nuit pour rebâtir. C'est pas juste ça. C'est qu'il y a plus d'énergie disponible. C'est pourquoi ils peuvent travailler jour et nuit et rebâtir. Alors, il y a donc, et on approche aussi, présentement, la planète Terre est une pollution assez que ça vaut presque plus la peine de se laver. Bien, tu te laves, tu sors du bain, puis tu n'es pas dans la crasse. Ça paraît pas, on s'habitue à cette crasse-là. Mais on respire, on mange et on boit. Mais quel est le niveau hiérarchique dans le monde invisible qui prend la décision de provoquer une apocalypse sur la planète? Rien. Belzébuth est celui qui va donner l'ordre à ses troupes ou à ses peuples vitaux d'agir. Mais Belzébuth est manipulé sûrement par des niveaux... Belzébuth est en contact avec un peuple de l'invisible qui est régi par Satan. Qui lui est en contact avec un peuple de l'invisible régi par Lucifer. Qui lui est en contact avec un peuple de l'invisible régi par les forces théologiques des hautes sphères spirituelles. En l'occurrence, Manitou, qui est à peu près complètement dissous, Yahvé, Jéhovah, Moroni, Krishna, Rama pour certains, mon Père, Dieu, mon Dieu, Père, sont tous des noms d'égrégores différents, de peuples célestes différents, qui ont donc leur ordre d'archange et d'ange différents. Et normalement, les forces lucifériennes vont être, sous différents noms, régies par ces peuples de l'invisible. Et si on monte un cran plus haut? Si on monte un cran plus haut, on va avoir accès, on va faire affaire avec des archétypes qui sont archangéliques aussi, mais qui ont le privilège de diriger, c'est-à-dire d'interpréter la structure supramentale au bénéfice des dieux créés par l'homme à l'image et la ressemblance de l'homme et placés dans le ciel par l'homme. Oh, donc, il y a ces forces archangéliques qui, elles, vont être du point de vue presque égal avec les peuples de l'invisible qu'on appelle les avatars ou les grands maîtres. Les avatars vont normalement être les préserveurs de la tradition et les archanges vont être les structures qui vont permettre, lorsque l'avatar se retire, de continuer la préservation dans la conscience archétypale de l'homme de ces structures traditionnelles qui obligent les troupeaux à continuer à avoir une vie volitive, donc évolutive, d'une façon orchestrée, c'est-à-dire totalement inconsciente de leur part, mais tout le monde va là, il va aussi. Au-delà de cela, nous allons rencontrer une force qui fait partie d'un peuple de l'invisible qui contient un seul individu. C'est pas un gros peuple, c'est le plus puissant. Et c'est un phénomène lazaréen. Au-delà de cela, nous allons retrouver un phénomène supramental libre du phénomène lazaréen, donc un phénomène supramental galactique qui peut manipuler les structures solaires, donc du mental de notre système solaire, et par le biais des forces lazaréennes, manipuler les forces astrales de notre contexte planétaire, les forces du ciel. Et donc ce plan supramental qui est une essence régie par un des personnages qui a archétypalement marqué l'évolution de la conscience de l'homme et qui est Michael, et qu'on connaît aussi sous le nom de Jésus. Mal sous le nom de Jésus, mal sous le nom de Christ et mieux sous le nom du Nazaréen. Au-delà de cela, il y a d'autres contingences au niveau des peuples de l'invisible qui sont totalement inaccessibles à l'animal humain. Et l'animal humain n'en a même jamais eu conscience. Totalement inaccessible aussi à l'être humain qui ne peut pas en avoir conscience, qui peut apprendre. Par contre, cela va préparer son ego lorsque, à un moment donné, il y aura suffisamment d'être dans l'animal pour qu'il y ait un contact. Et ces forces seront ce que la tradition humaine planétaire appelle sous le nom d'ordre. Alors, on aura l'ordre la première ordre est un ordre catalyseur de l'évolution. On en a déjà parlé, c'est l'ordre des Melchisedec. Il y a d'autres formes d'ordre qui sont attachés à différents mondes dans un continuum de phénomènes supramentales dans différentes galaxies de notre univers local. Et par la suite, on peut faire référence à des peuples de l'invisible totalement exclus des phénomènes de conscientisation planétaire qui sont reliés à des plans bouddhiques, donc dans les phénomènes supra-universels ou dans les plans intentionnels ou divins ou dans les phénomènes donc réactionnels. Alors, si on va oublier ça pour ce soir, revenons. Nous, on est dans la sphère des mondes froids. Oui, on est dans un monde refroidi. L'univers dans lequel on évolue, c'est un univers de monde refroidi. Donc, un monde qui a subi une phase d'involution massive. Et dans la Bible, on parle de chute, là, mais finalement, c'est une évolution. Et puis, on est donc encore dans un monde refroidi, en réchauffement, donc en phase d'évolution. OK. Le phénomène humain, à une échelle d'une conscience supramentale, c'est considéré comme un essaim, c'est-à-dire à un moment donné, le bouillon de culture ou l'essaim commence à être trop surchargé d'émotions ou de choses négatives, on provoque une apocalypse, on nettoie un peu le terrain, puis ce qui en ressort, c'est une souche un peu plus résistante qui va optimiser la finalité pour laquelle on l'a engendré sur la planète. Quand on enlève l'aspect émotif, ça ressemble un peu à ça, la description du... Oui, c'est un peu comme cela, sauf qu'il faut qu'on comprenne qu'il y a eu des effusions préalablement à la création de notre planète. Donc, il y a eu, dans ce monde refroidi, un peu trop de densification, ce qui a obligé les forces énergétiques à éclater et à s'effuser. Cela engendre tous les petits atomes que nous connaissons. En réalité, cela va commencer par engendrer des forces, subatomiques. Et lentement, il y aura des réactions d'amour entre ces forces. Cela va engendrer ce que nous connaissons sous le nom de gluon, entre autres. Cela va pouvoir permettre l'agglomération des particules subatomiques, finalement, en quarks et entre quarks pour engendrer soit le proton, l'électron, le neutron, le neutrino et un paquet d'autres cossins qu'on connaît. Et lentement, il y aura une gestion encore plus agglomérative qui va engendrer la molécule. Dans la structure moléculaire, il y aura 1, 2, 3, 4 ou encore 2, 300 électrons tournant autour d'un noyau qui sera lui aussi plus réconstitué. Alors, on verra l'apparition de différentes sortes de molécules, hydrogène, azote, etc., jusqu'à californium, einsteinium, peut-être même à un moment donné, marinonium, on verra. Bon. Alors, on crée de ces éléments. Et puis, il y a par la suite agglomération encore plus fracassante où on verra les molécules se structurer en contexte plus compliqué. Cela engendrera des acides, cela va engendrer aussi des bases, cela va engendrer l'eau, cela va engendrer des forces, des minéraux au niveau de l'atome. Lentement, il y aura orchestration de l'énergie vitale pour permettre la croissance. Il y aura donc apparition des acides aminés. Il y aura apparition finalement de ce qui pourra croître en améliorant sa mémoire. Là, on commence donc à cellulariser. Et ce sera la vie végétale, la vie animale, la vie minérale. Et si maintenant on regarde le troupeau humain planétaire comme étant un bouillon de culture où on se dit, bien, à un moment donné, on va prendre une torche, un chalumeau, et puis on va mettre le feu là-dedans, puis ceux qui vont s'en sortir seront les plus évolués, puis c'est ceux-là qui vont servir. Eh bien, si on regarde ça comme ça du point de vue mental, on peut effectivement confirmer que c'est ça qui va arriver. Maintenant, on peut poser la question astrale et spirituelle, qu'est-ce qui va arriver à tous ceux qui vont brûler? Bien, il n'y a aucun problème, ça va être des cadavres du point de vue des virus, et les virus vivants, souvent, ils bouffent ceux-là. Bon. Donc, ils vont servir de l'énergie de ceux qui vont rester là, c'est de la nourriture. Mm. C'est évident que dans une cage où tu as 5 milliards de loups, à un moment donné, il manque de nourriture. Si tu tues 3 milliards de loups, bien, les loups qui vont rester vivants auront de quoi manger, puis ils pourront continuer leur vie. Et c'est toujours ce qui arrive. La problématique, lorsqu'on parle d'apocalypse, ce n'est pas de savoir combien d'individus vont survivre, mais quelle va être la condition de vie des survivants. Mais ça, c'est du point de vue supramental qu'on pose la question du point de vue humain. L'humain, il ne se demande pas comment il va survivre. L'humain, il se demande s'il va survivre. On ne devrait jamais poser ce genre de questions. C'est plutôt comment on va survivre, plutôt que de savoir si on va survivre. Parce que même si tu détermines comment tu vas survivre, si tu meurs, ça ne t'a pas servi à grand-chose. Bon. L'être humain, il va donc, à un moment donné, il y a cette effusion. Ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que du point de vue de la structure totalement invisible à la conscience planétaire de l'homme actuellement, c'est qu'il y a différents faisceaux d'énergie qui ont engendré différentes effusions, qui ont créé différents êtres humains. Donc, il y a présentement, au niveau d'un peuple de l'invisible, totalement mental différent, qui, à un moment donné, vont se résorber en, justement, ces 13 faisceaux. Il y a un 13e qui va être éliminé, qui contient à peu près quelques centaines d'individus. Et il y aura, à un moment donné, approximativement 12 000 individus reliés à un seul faisceau. Lorsque le 13e sera résorbé, il y aura donc 12 faisceaux d'approximativement 12 000 individus. Présentement, il y a donc 13 peuples de l'invisible que tu peux toucher, c'est-à-dire que lorsque tu te promènes dans le métro de Montréal ou dans le métro Richelieu, n'importe où dans la province, quand tu rencontres des êtres humains, tu rencontres des individus qui n'appartiennent pas nécessairement au même peuple que toi. Je ne parle pas du peuple politique, du peuple de l'imbécilité politique planétaire. Je ne parle pas du Québécois, du Canadien, de l'Américain, du Français, etc. Je parle d'un peuple qui est relié à un faisceau d'énergie qui n'est pas le tien. Je parle de ceux qui sont frères et sœurs en énergie ou en esprit et qui ne sont pas frères et sœurs de ton esprit. Alors, lorsque l'être humain se promène dans la rue un peu partout, il rencontre régulièrement des peuples, des gens qui appartiennent à une société secrète, tellement secrète que même ceux qui en font partie ne savent pas. Bon, ce sont des peuples de l'invisible, ceux qui ont une conscience espritique reliée à un même faisceau, et qui vont s'engueuler, s'astiner, qui vont essayer de vivre une religion qui n'appartient pas à leur faisceau, qui vont s'amuser comme ça. Mais ça occupe l'humain, ça l'empêche d'évoluer trop vite. Et ça fait partie des peuples de l'invisible. Dans le monde de la mort, il y a aussi ces peuples de l'invisible. C'est-à-dire que chaque fois qu'un faisceau d'intelligence descend à travers les sphères astrales, donc le ciel, donc le nirvana, le monde de la mort, il laisse une trace. Cette trace descend à travers le plan mort en ciel, par le biais de l'énergie vitale laissée par un individu qui est mort avant, ou par le biais encore d'indométérique, il va structurer une matière planétaire et engendrer un corps physique. L'être humain, dans son âme, l'âme, premièrement, appartient à un peuple. Dans l'être humain, il y a plus qu'un peuple. Quand on parle d'être humain global, il y a premièrement un gnome. En réalité, ce n'est plus un gnome, mais c'est plutôt une sphère qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus basse en vibration que le gnome, qui s'occupe de la structure matérielle du corps d'un humain. Il y a par la suite un gnome qui s'occupe de l'être humain du point de vue de sa gestion vitale, comme les plantes. Alors, quand tu es malade, ton gnome se fout de toi. Bon, c'est évident que tu peux prier ton gnome si tu veux, mais quand tu pries, tu parles à l'astral, le gnome est vital, donc ça ne marche pas. C'est pas compliqué, bébé. Comment veut-on rejoindre le gnome quand tu te fous de nous autres? Quand on se fout quand le gnome se fout de nous autres, c'est parce qu'on se fout du gnome. Chaque fois que tu passes à côté de ta plante, rentre tes ongles dedans. Laisse une petite trace. Ta plante va dépérir lentement. Le gnome, tu te fous de lui. Il est malheureux, il n'arrive pas à vivre, donc on prend les termes malheureux, là, mais c'est vibratoirement, c'est plus bas, la plante s'en va. Pourquoi le gnome se fout du corps de l'homme ou de la femme? C'est parce que le corps de l'homme ou de la femme, enfin celui qui l'habite, se fout du gnome. Autrement dit, si tu te fous de ton corps physique, tu te fous de ton gnome. C'est pas compliqué. Bon. Alors celui qui fume se fout de son gnome, celui qui mange chaud se fout de son gnome, celui qui ne fait pas d'exercice se fout de son gnome. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bon ben moi, tiens, on prend encore un peu de boisson, puis toi le gnome, tiens, transmute mon petit. Transmute-moi ça en énergie pour que je ne sois plus brillant. Le gnome s'organise, lui, pour que le foie travaille à éliminer la toxine que tu viens de lui donner, le poison. Le gnome s'organise aussi pour que les structures cérébrales ne perdent pas trop. Alors, il doit faire un immense transfert au niveau de l'énergie vitale, au niveau des neurones, parce que c'est bien beau de dire que quand tu as pris de la boisson, tes réflexes sont plus lents. Une chance que le gnome travaille pour que ton cœur ne batte pas plus lentement, puis que tu ne cesses pas carrément de respirer. Parce que quand tu intoxiques ton cerveau, c'est tout le cerveau. L'archéocérébellum, le néocérébellum, le vieux, le neuf cerveau, le bulbe rachidien, le cervelet, c'est tout ça. Le sang amène ça partout. Même ton nœud sinusal au niveau de ton centre cardiaque, lui aussi, il est drogué, est alcoolisé. Et le gnome s'arrange pour que peut-être que tu vas écrire plus croche, manquer ton virage, embrasser la femme du voisin sans t'en rendre compte, tomber dans le banc de neige l'hiver en sortant, mais ton cœur va continuer à pomper. Le foie va continuer à travailler et tout ça, on va s'arranger pour qu'on élimine la toxine. Mais lentement, te foutant royalement de ton gnome, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu le rends malheureux. Alors, celui-ci est totalement malheureux d'être attribuable ou affecté à ton corps physique, mais il ne peut pas le quitter parce qu'à l'instant où le corps est détruit, le gnome est détruit. Comme tout à l'heure, j'ai expliqué. Alors, le gnome fait tout pour que ton corps reste en vie. La problématique, c'est que l'astral, donc l'un des peuples qui habite l'homme, lui, se fout royalement, il tète l'énergie vitale du corps physique, le gnome, et nécessairement, il y a une guerre. Voilà, une guerre. Lorsque l'être humain se fout de son gnome, donc finalement de son corps, l'être humain va dire, je ne me fous pas de mon corps, c'est à cause que, je sais, c'est parce que l'être humain est manipulé totalement, il n'y a aucun libre-arbitre. Je sais ça, je comprends. Par contre, l'être humain, même s'il n'a pas de libre-arbitre, il a la faculté d'avoir une conscience libre. Et dans sa conscience, il peut instruire son ego. Et là, l'ego qui n'a pas de libre-arbitre, une fois programmé par la conscience, va continuer à réagir. Mais d'une façon plus ajustée avec le gnome, d'une façon plus logique, d'une façon plus conséquentielle, plus écologique. Et ça restera une manipulation par la conscience de celui qui habite le corps physique, si la conscience est suffisamment réveillée. Lorsque un individu vient au monde, il a donc une âme, un virus. Un virus qui va stimuler le corps physique et qui se sert du corps physique dans le but d'engendrer de la nourriture, c'est-à-dire de transformer l'énergie tellurique de notre planète, de transformer telle une plante l'énergie solaire du soleil, donc on a besoin des deux, la chaleur et le soleil, ainsi que tout ce qui est tellurique, alors on va manger des plantes, on va manger de la vache, on va manger de l'agneau, on va manger des choses en genre. On a besoin de cette nourriture et l'âme, le virus à l'intérieur du corps de l'homme, qui prend la place de l'esprit temporairement, lui a comme fonction de protéger le corps en nourrissant le monde de la mort, des sphères de souffrance, comme on l'a déjà vu au niveau de l'intelligence de la souffrance, au niveau d'une des conférences que j'ai déjà faites. Alors donc, ce virus, puis qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'énergie, comme la plante va ramasser le gaz carbonique, le soleil, elle va créer des sucres. Elle va grossir et elle va créer un excrément totalement débile pour elle, qu'on appelle l'oxygène d'ailleurs, et que nous, on respire à plein nez, parce qu'on en a besoin. Vous voyez comment les points de vue sont différents du point de vue des excréments. Alors nous, on rajoute des gaz carboniques, les autres, ils le prennent, et puis ils nous envoient en vengeance l'oxygène. L'âme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle absorbe l'énergie vitale tellurique, solaire, et elle la transmute en énergie astrale. L'énergie astrale, dans cette transmission, va demander un solide support du corps physique qui va être exprimé par sécrétion endocrinienne, sécrétion d'hormones, donc le phénomène émotif. Et j'ai déjà expliqué que l'émotion tue l'homme. L'émotion fait vieillir, elle engendre une maladie de dégénérescence qui est le vieillissement. L'émotion engendre toutes les formes de maladies psychosomatiques sont totalement émotives parce que l'être humain est continuellement confronté dans son corps physique à sécréter hormonalement dans le but d'exprimer une émotion que l'ego a besoin d'exprimer pour savoir qu'elle le vit. Alors l'ego vibre à un point tel que par un canal que j'appelle le canal réincarnationnel, il nourrit le monde de la mort. Et j'ai déjà expliqué avec que si on veut calculer, eh bien il suffit de donner de la drogue à un enfant et c'est comme si on envoyait 3000 caisses d'œufs frais au monde de la mort en termes de nourriture. Ça c'est le rôle de l'ego, le rôle de l'âme. Maintenant, il y a des peuples, justement, dans ces sphères, dans ce monde de la mort, qui, eux, ont besoin de nourriture. Leur nourriture est un peu comme la nourriture de l'homme ordinaire ou de la plante. Si la plante n'a pas de nourriture, lentement, elle perd la mémoire. Perdant la mémoire, les feuilles tombent, elle ne sait plus comment se tenir, les feuilles sèchent, la structure moléculaire s'oublie dedans, puis la plante s'en va au complet. Elle va même carrément disparaître. On appelle ça du compost, mais elle est carrément disparue. Alors donc, la plante, pour ne pas oublier sa structure mémorielle, a besoin d'énergie. Énergie vitale. Son gnome a besoin d'être stimulé. Alors la plante prend de l'eau, prend de l'énergie tellurique, elle prend du soleil, elle prend de l'énergie solaire. Comme l'être humain va faire la même chose, l'être humain, il a un corps physique trop évolué, il devra manger la plante parce qu'il n'est pas capable d'assimiler directement les énergies contenues dans certains minéraux ou encore carrément directement au niveau du sol. Et il mangera aussi des herbivores qui, eux, ont mangé les plantes, alors qu'il ne mangera pas de carnivores. L'homme carnivore, c'est trop similaire. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est donc que dans le monde de la mort, il y a des peuples de l'invisible. Il y a les peuples, on pourra en nommer plusieurs. Il y a dans ces peuples qui sont tous dans une forme de nation qu'on appelle une religion, un égrégore. Et il y a une hiérarchie là-dedans, comme il y en a toujours eu des hiérarchies au niveau des sphères célestes. Avant, on avait Zeus, on avait Odin ailleurs, on avait un paquet de personnages, et on avait toutes les hiérarchies des dieux jusqu'aux demi-dieux, jusqu'aux êtres humains. Bon. Depuis que Moïse et depuis que d'autres, Akhenaton et d'autres, ont monothéisé la structure céleste, eh bien, il y a un seul dieu, mais il y a un paquet de saints dans notre religion, par exemple. Un saint qui est supérieur à l'autre, un saint qui est moins saint qu'un autre, un saint qu'un autre. Puis un élu, puis un si, puis un béatifié, puis un bien élu, puis un bien heureux, puis jusqu'à temps qu'on arrive avec le pape, les cardinaux, les archevêques, les évêques, les prêtres, puis finalement aussi l'humain. C'est pareil. Il y a ces hiérarchies. Et ceux-là ont besoin d'être nourris pour ne pas s'oublier, pour ne pas mourir. Et un jour, ils vont tous mourir. Le ciel est de façon appelé à carrément être détruit, assimilé par la conscience de l'homme. Mais ça, Jean de Patmos en parle. Il dit qu'un jour, l'humain voudra se tuer, puis il ne trouvera pas la mort. Non, il n'y aura plus de ciel. C'est que les morts vont. Ce qui est fascinant dans ce que tu dis, c'est que tout se bouffe mutuellement. Oui. L'humain, lui, comme structure de conscience, il sert de nourriture à quoi, un peu plus haut? Bon, l'être humain, lui, du point de vue encore astral présentement, l'être humain est manipulé donc par ces peuples de l'invisible qu'on appelle les égrégores. Dans les égrégores, il y a des égrégores nationaux, les égrégores d'élite, les égrégores religieux, les égrégores locales, il y a un paquet de formes d'égrégores. Il y a des égrégores qui sont mobiles, attirés par les planètes, et c'est ce qui va engendrer l'illusion qu'on est manipulé par les planètes du point de vue de l'astrologie. Il y a les égrégores qui sont locales, donc stables, les égrégores plus souvent religieux et politiques, nationales. Ces égrégores-là, ils ont besoin de nourriture pour ne pas s'oublier, alors ils vont faire en sorte que, par exemple, l'homme va se sentir coupable d'avoir... Premièrement, qu'est-ce qu'on fait? L'homme étant totalement libre du point de vue de sa conscience, il y a totalement un assujettissement du point de vue de l'action planétaire, on lui dit, il y a des lois, des commandements. Il y en a eu 20 au niveau de l'Église catholique. Moïse a échappé une table, il en est resté juste 10, on en connaît juste 10, il a cassé l'autre. Bon, alors il y a 10 commandements au niveau de l'Église catholique maintenant. Il y en a différents au niveau des autres religions. Pourquoi? Parce qu'on dit à l'homme, voici les commandements que je te donne. Puis là, le Dieu, il dit à la déesse, ils ne pourront jamais arriver à faire ça. Ils ne peuvent pas. C'est pas comme ils sont bâtis. L'homme a besoin de manger. Pour manger, il n'y a presque pas d'animaux. Ils gèlent. Alors, nécessairement, ils vont se battre entre eux autres. Alors, tu ne te battras pas. Il va se battre. En mettant des commandements que l'humain ne peut pas suivre. Les commandements de Dieu, il n'y a pas un humain satanique qui peut suivre ça. Un être humain, peut-être, pas un humain. Il y a un être humain très, très être. Ouais. Parce que lui, il arrive à transmuter même les lois engendrées par ses forces célestes. Mais tu honoreras ton père et ta mère. Mais une fois que ton père et ta mère sont morts. Bon, tu ne voleras point. Non, crève de faim. Mais vole pas. Et puis tu ne mentiras pas. Imagine-toi bien. Tu ne mentiras pas. Est-ce que tu as fait l'amour avec quelqu'un d'autre? Oui, on le lapide. On le tue. La religion dit que celui qui couche avec quelqu'un d'autre, il doit mourir par la lapidation. Puis tu mentiras pas. Mais vous ne dites que la personne, elle sécrète. Ou elle ment, parce qu'elle coupable à cause des commandements, ou elle ment pas, puis on la tue. Elle sécrète. OK? C'est ça le secret. Les forces célestes ont donc arrangé un mensonge cosmique majeur pour que l'être humain vive de la culpabilité en lui disant « Tu as le libre-arbitre, le cave. Tu connais le bien et le mal. Jamais avant, toujours après. » Mais ça, il n'y a pas dit. Bon, il ne sait jamais avant si c'est bien ou mal. Une fois qu'il a fait, qu'il voit les conséquences, là, il se dit « Ah ouais, es-tu? » Mais justement, il n'y a pas dit avant. Là, il se culpabilise. Et immédiatement, par son canal réincarnationnel, il nourrit le monde de la mort. Toutes les structures célestes, théologiques, sont exclusivement bâties dans le but de faire en sorte que le virus, l'âme avec l'ego dans l'homme, transmute l'énergie planétaire et solaire en énergie astrale pour nourrir le ciel, le monde de la mort, pour nourrir les dieux. Vous devez me prier, m'adorer, vont dire les dieux. Ben oui, mets-en de l'énergie là-dedans. Tu dois aussi offrir le meilleur de tes agneaux. Mange ce qui n'est pas bon, puis tue ce qui est bon. Puis là, tu vas sécréter. Ça me nourrit. Tu devras tuer les plus beaux de tes enfants. J'ai déjà expliqué à un moment donné qu'au niveau des sacrifices humains par les religions. Aujourd'hui, on donne des cierges, on donne de l'argent, on monte des marches à genoux encore. C'est extrêmement ancestral ce qu'on fait encore au niveau des théologies. Bon, on s'en va voir la guenille, comme j'en ai souvent parlé, de la guenille de Turin. Bon, et puis maintenant, ben là, ben vite, on pose mon chat dedans, ça ne dérangera plus. Alors que quand je disais la guenille de Turin, il y a des gens qui sortaient. Bon, alors, les sphères sont toujours orchestrées de façon à ce que l'être humain soit mal pris pour pouvoir nourrir le monde de la mort. C'est extrêmement ancestral. Lorsque dans l'Antiquité, on disait le plus beau de tes enfants, tu devras l'immoler aux dieux. Les Incas l'ont fait, les sorcières à l'époque de Ram l'ont fait. En Égypte, on le faisait, on le fait à peu près partout sur la planète. C'est évident, le plus beau était normalement celui qui rayonnait le plus intelligent. Tue-le. Le peuple n'évoluera pas, ta génétique n'est pas transmise. Gardons l'humain cave, et puis ça nourrit. Hein? C'est, l'humain a toujours été cave. Tu sais ce qu'on met dans les caves? On met la nourriture. Hein? C'est les caveaux qu'on sert ça. L'humain est un caveau. Maintenant, dans ce monde de la mort, il y a donc un paquet de peuples de l'invisible qui se font la guerre pour posséder l'homme. Entre Dieu et ton drapeau, Dieu dit, tu ne tueras point. La France entre en guerre contre l'Allemagne. Pour la patrie, tu dois tuer. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu tues, puis tu te sens mal. Tu nourris les deux. C'est pas compliqué. J'ai rencontré un bonhomme, moi, qui, à un moment donné, il a fallu qu'il tue un soldat allemand. Un jeune un Allemand de 17 ans. Il est en Europe. Le gars devait avoir à peu près 17 ans, lui aussi. Il était avec deux, trois de ses amis. Puis tout le monde savait bien à l'époque que les Allemands étaient absolument immortels. On n'avait pas encore essayé de tirer dessus en France. On n'avait pas essayé. Et puis, à un moment donné, ben, eux autres, ils étaient mal pris, puis ils ont essayé. Ils ont réussi à le tuer, le jeune de 17 ans, puis ils l'ont jeté dans un puits. Puis ça l'a marqué. Pourtant, il fallait quand même qu'il sauve sa vie. Mais il y a une religion qui dit, tu ne dois pas sauver ta vie. Tu dois tuer. Bon, si quelqu'un vient pour te tuer, il va aller en enfer. Mais toi, tu t'en vas, tu me le gardes. C'est en espérant que Dieu est là. C'était pas une farce. Si tu le tues, tu restes vivant et maintenant tu te sens coupable. Ça te hante. Ça l'a hanté suffisamment longtemps pour qu'à un moment donné, dans un symposium de la paix, il t'en convenait à parler. Puis quoi, 30 ou 40 ans après. Alors donc, il y a des peuples invisibles là-dedans qui ont comme seule fonction de se nourrir à même l'homme. Et donc, ils vont investir dans le corps vital et physique de l'homme un corps astral, l'âme, qui provient du monde de la mort, qui apparaît, qui est transmis génétiquement et qui va par la suite voir son grossissement à travers le canal réincarnationnel parce que ça se réincarne dans l'être humain 24 heures sur 24 tout au long de sa vie. Et on va le têter, on va le manipuler, on va le faire chioler quand il pleut, on va le faire chioler quand il manque son autobus, on va le faire chioler quand ses pneus sont trop mous, on va le faire chioler parce que sa femme est avec un gars ou parce que son mari est avec une femme alors que c'est son frère ou sa soeur, mais le bonhomme ou la fille, elle ne sait pas, fait qu'elle chiale. On chiale tout le temps, c'est extrêmement intéressant. Ça fait une planète. Quand je parlais de pollution, c'est pollué, famille. Pas que physiquement. Mais là, tu décris un peuple qui est encore égoïsé, puis la mécanicité de nourriture qui se passe avec les mondes invisibles. Imagine un peuple qui est supposé, selon l'instruction que tu donnes, d'être anégoïsé. Mm-hmm. Puis étant donné qu'il y a toujours un échange d'énergie, parce que la nourriture, c'est que tu es bouffé ou en tout cas, il y a un échange d'énergie qui se produit avec un niveau énergétique supérieur. L'énergie passe. OK. À ce moment-là, un peuple anégoïsé, il est mangé par quoi? Un peuple anégoïsé, donc un peuple sans égo, il n'y en a pas dans l'astral. Sauf que c'est une des finalités du phénomène humain, d'atteindre oui. à ça. Il n'y en a pas dans l'astral, il n'y en aura jamais dans l'astral, l'astral étant d'ego. C'est ça. L'être humain est en mutation évolutive, et il y a énormément d'êtres humains qui, par le biais d'un ajusteur de pensée, justement, voient leur ego commencer à fondre. On appelle cela l'anégoïsation. Cela devrait engendrer un peuple d'hommes ou de femmes nouvelles, un peuple anégoïque, un peuple intelligent, un peuple conséquentiel, un peuple écologique, un peuple qui va exprimer un amour intelligent, mais plus d'amour psychologique et émotif, comme on le dit présentement. Un peuple tout à fait différent. Dans un peuple anégoïsé, premièrement, il n'y a aucune nourriture de ce peuple qui peut être envoyée au monde de la mort. Okay. Par contre, ce peuple peut nourrir le monde de la mort exclusivement par une forme de manipulation plus ou moins intentionnelle, une manipulation mentale intelligente, ça sera par l'instruction de l'astral. Alors ce peuple dira aux dieux ce qu'ils doivent savoir. Et il va lentement instruire le monde de la mort, donc les peuples de l'invisible, des forces astrales de notre planète, pour que celles-ci finissent leur involution qu'ils refusent, c'est luciférien d'ailleurs, de vouloir sacrer son camp, et deviennent de l'énergie vitale, et c'est là que l'être humain aura suffisamment d'énergie pour pouvoir transformer son contexte planétaire après la prochaine... OK. Un peuple égoïsé, psychologique, a une relation avec une sphère énergétique astrale. Exact. Reliée à la planète. Un peuple anégoïsé, avec quelle sphère énergétique a-t-il la relation et quelles sont les entités à ce niveau-là qui vont vouloir se nourrir de l'humain et selon quelle mécanicité? Bon, alors c'est du moment que l'être humain devient égoïque, il y a une mécanicité intéressante qui se passe, c'est que l'être humain devient celui qui se nourrit et il va têter à même l'énergie supplémentaire de sa nourriture. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, au-delà des sphères astrales, il n'y a plus de force à part des exceptions au niveau de certaines galaxies qui sont des réactions fusionnelles reliées à notre effusion planétaire, on pourra y revenir, il n'y a pas d'intelligence, l'énergie supplémentale ne se nourrit pas de l'homme, le plan bouddhique ne se nourrit pas de l'homme, le plan intentionnel non plus. Okay. Par contre, ils vont se servir de l'homme, mais ils ne s'en nourrissent pas, ils vont nourrir l'homme. C'est pourquoi l'homme va donc avoir un éclatement dans sa conscience, un éclatement volitif, donc il va recommencer sa fusion, qui est l'inverse de l'effusion. Par contre, lorsque l'être humain a été effusé dans notre système galactique, dans notre univers plutôt, il y a eu, dans cet univers refroidi, un peu trop de densification, alors le faisceau étant trop puissant, il a éclaté. Et cela a engendré des mécanicités qui ressemblent un peu à l'homme et qui sont plantées sur d'autres planètes, dans d'autres galaxies. Et par un canal misérable, qu'on appelle un canal séraphique, il y a une relation entre la conscience évolutive de l'homme et ses êtres. Ces êtres, par ce canal séraphique, donc par transport séraphique, ont le loisir de temps en temps de pénétrer notre sphère d'évolution et on pourra donc constater l'apparition d'extraterrestres, du point de vue humanoïde. Ces êtres se nourrissent de l'homme et se nourrissent de la conscience de l'homme, c'est-à-dire que chaque fois que l'être humain arrive à un certain niveau de conscience, alors comme par la mécanicité des vases communicants, il va commencer à nourrir ses sphères, permettant à ses sphères d'évoluer au même rythme que lui, alors que ses sphères n'ont pas la capacité intelligente d'évoluer comme l'homme. C'est d'ailleurs pourquoi ces extraterrestres auront un œil attentif sur le monde planétaire parce qu'ils ont finalement une fonction très personnelle, celle de voler la génétique des corps physiques de l'homme de façon à s'associer à ces corps physiques pour cesser d'être alimentés par l'évolution de l'homme et d'être donc dépendant finalement de l'évolution planétaire de l'animal, de l'être humain, de l'être. Maintenant, ce phénomène d'alimentation va être coupé, c'est-à-dire que à l'instant où l'être humain est l'homme, l'être humain commence à s'anégoïser, il devient suffisamment puissant dans sa conscience mentale, devient suffisamment puissant dans sa conscience supramentale, qu'il aura la faculté de travailler lui-même au niveau de ses canaux séraphiques. Donc, il pourra lui-même commencer à faire des voyages par transport séraphique, donc changer de galaxie. Parce qu'à un moment donné, ce n'est pas avec les petites allumettes qu'on envoie dans l'espace qu'on va finir par changer de galaxie. Il faut voyager un peu plus vite que la vitesse de la lumière, et la vitesse de la lumière, elle est quand même très limitée à 300 000 km à la seconde, et la vitesse de la lumière peut aller plus vite que ça, mais elle est limitée par la courbure de notre espace-temps à 300 000 km à la seconde, et ce n'est pas à cette vitesse-là qu'on va voyager bien loin. On fait juste aller visiter Alpha du Centaure, qui est à 4,3 années-lumière. Cela veut dire qu'à 300 000 km à la seconde, donc 500 fois Montréal, le Québec, Chicoutimi, aller-retour en une seconde, eh bien, ça va prendre 4,3 années. Bon. À se rendre à Alpha du Centaure, qui est l'étoile la plus proche. Alors, si on pense aller dans une autre galaxie, eh bien, la vitesse de la lumière, c'est la 350 millième génération qui va y parvenir. Il ne faut même pas peine de partir. Tu ne sais même pas si ton linge va le faire là-bas. Tu n'as même pas de bagage. Il faut que l'être humain voyage à travers un continuum qui n'est pas de l'espace-temps, donc là où la vitesse n'est pas limitée par la courbure de notre géométrie spatiale, et c'est un transport séraphique. Lorsque l'être humain arrive à une anégoïsation plus évidente, lorsque l'être humain a la construction de son double éthérique parce qu'il a un ajusteur de pensée, lorsque l'être humain arrive à cette bilocation de conscience, une conscience planétaire et une conscience supramentale, conscience espritique, conscience christique, intelligence instantanée, l'être humain a la faculté donc de commencer à voyager dans ses canaux séraphiques et de changer de monde, aller visiter ces autres mondes, pas seulement en rêve astral, mais carrément avec sa conscience. Là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que l'être humain, visitant ses canaux, visitant ses autres mondes, qui sont les mondes similaires à ce qu'il lui a pu créer sur le contexte planétaire, pour la simple raison que ce sont simplement des relégats copies, des copies plus ou moins conformes de ce qu'on fait ici, mais là-bas, ça n'évolue pas, ce n'est pas manipulé par là-bas, c'est manipulé par ici, parce que nous faisons nous autres. Eh bien, l'homme va avoir la faculté d'étrangler ses canaux séraphiques et les ouvrir seulement lorsqu'il voudra voyager. Donc, il finira par bloquer totalement cette forme de succion. Mais ce n'est pas une alimentation comme nous allons le rencontrer au niveau des contextes astrales à partir des théologies, c'est-à-dire que l'homme n'est pas manipulé exclusivement dans le but de sécréter, donc de vivre heureux, souffrir, chialer, péter, crier, rire, etc., pour nourrir les sphères astrales. Dans ces contextes, ils sont tout à fait passifs, ils attendent, puis quand on a un peu trop d'énergie, ça découle là-dedans. Il faudra qu'on apprenne à le couper, mais ça va se faire aussi. Alors, il y a donc ces peuples qui sont invisibles à l'homme, mais qui, de toute façon, ne sont pas nuisibles plus qu'il faut. À l'échelle de la galaxie, ici, est-ce qu'il y a des peuples qui existent autres que humains? Ben, autres que humains, oui, il y a les plantes. Non, là, il lutte pas la question, c'est dans les autres planètes de la galaxie, de la Voie lactée où nous sommes, est-ce qu'il y a des peuples qui existent? Oui. Pourrais-tu donner un chiffre approximatif? Tu dis qu'il y a déjà 13 peuples qui existent dans le monde invisible à l'échelle de la planète, à l'échelle... 13 peuples invisibles à l'humain qui sont de toute façon l'humain. Oui. À l'échelle de la Voie lactée. Bon, la Voie lactée étant notre galaxie, il y a au niveau des structures des peuples, on va éliminer évidemment les peuples d'ordre vital, les peuples d'ordre minéral et ces choses-là. Il y a approximativement 8 milliards et 700 millions, 7864. Est-ce que ces 8 milliards et des poussières de peuples que tu mentionnes, est-ce que tu considères, là, pour comprendre la sémantique, que moi je suis un peuple, comme individu, comme phénomène? Remarque, un calcul rapide. Oui. C'est parce que je veux poursuivre la question là-dessus, mais je veux savoir si tu éludes la question que je te pose. Est-ce que je suis un peuple, moi, comme agglomérat organisé? Tu me considères-tu comme un peuple quand tu dis 8 milliards et des poussières? C'est-tu des phénomènes conscients? Pas individuels, c'est des phénomènes de troupeau. OK, c'est des phénomènes de troupeau, mais des phénomènes où il y a un niveau conscient équivalent au phénomène humain ou plus haut? Non, pas plus haut. Plus haut du point de vue de l'expression vibratoire, il y en a quelques-uns, mais ils sont en phase d'évolution, donc ils sont en arrière sur l'homme, parce que d'ici quelques milliers d'années, l'homme va être plus haut qu'eux autres. Oui, mais sauf qu'il y en a donc quelques-uns. Donc, il y a des phénomènes de peuples organisés dans la galaxie qui sont à un niveau énergétique d'expression plus haut que le nôtre relativement, avec toutes les considérations que tu fais, ouais, mais qui existent. Temporairement, oui. Ce sont des civilisations. Est-ce qu'on peut parler de civilisation dans le cas de ces peuples-là? Bon, on peut parler de civilisation, mais en parlant de civilisation, il faut exclure l'idée de civilisable. Ils ne sont pas civilisés, ils ne sont pas structurés comme nos civilisations, mais ce sont des orchestrations hiérarchiques. On peut donc parler de peuple, on peut parler de civilisation, mais faisons attention quand même un peu à ce qu'on peut penser ou conceptualiser avec le mot civilisation. Et si on inversait la perspective, à savoir que dans une galaxie où il y a l'expression de l'équivalent de civilisation hautement organisée, qui a un phénomène humain comme nous sommes, est-ce que nous ne serions pas le sous-produit d'un enjeu qui fait que le véhicule humain, quand il aura atteint à sa capacité de support énergétique vibratoire suffisante, ces formes d'énergie-là vont utiliser le véhicule humain en processus fusionnel? Bon, c'est vrai, il faut. C'est-à-dire qu'on n'est pas un sous-produit, par contre, il y a effectivement une guerre cosmique pour savoir qui va posséder le corps de l'homme. Bon. Et dans cette guerre cosmique, nous, on est exclus. On ne le sait pas. On ne le sait pas. Mais ce que les autres ne savent pas, c'est qu'on va gagner. Mais c'est qu'on peut dire que quand on parle de frères en esprit à l'échelle de la galaxie, les extraterrestres, à cause de la texture énergétique qu'ils expriment, sont nos frères en esprit. La majorité des contingences extraterrestres qui visitent notre monde proviennent de d'autres galaxies. Par transport séraphique, ce ne sont pas des mondes qui sont reliés à la Voie lactée. Quand tu mentionnais qu'il y avait deux types d'extraterrestres qui avaient une relation de domination puis un autre de relation plus de collaboration avec les humains, les phénomènes extraterrestres, celui de la galaxie établit-il une relation de domination ou de collaboration? Celui de la galaxie ou des autres galaxies établit une relation de domination, c'est-à-dire qu'il veut absolument prendre le contrôle, être le maître de l'homme. Il peut accepter la fusion avec la conscience de l'homme tout en expliquant à l'homme que c'est lui qui est son créateur, que c'est lui qui a une science plus évoluée. C'est vrai, mais sa science est en phase d'involution, la nôtre est en phase d'évolution, donc temporairement, il a raison. Sauf que pour... Alors, il veut dominer l'homme. Sauf que pour lui, c'est ça, l'homme était une solution évolutive qui a peut-être contribué à engendrer, à supporter. On peut donc dire que l'humain qui est égoïsé a une manipulation qui subit d'entités techniquement invisibles dans le monde astral qui se nourrissent de lui. Le prochain défi de l'homme supramentalisé ou anégoïsé sera... C'est pas avec lui. Ça sera pas avec ces entités-là qui cherchent justement à fusionner avec l'homme. Le prochain défi de l'homme qui s'anégoïse va être à combattre et à annihiler totalement un autre peuple de l'invisible qu'on n'a pas tellement parlé, qui est le peuple des intraterrestres. Et effectivement, le phénomène extraterrestre tient à voler la génétique de l'homme. Il attend nécessairement que l'être humain évolue assez rapidement. Ils ont essayé déjà en volant certaines génétiques de faire des clonages, d'améliorer la structure génétique de l'homme. Mais ça se fait par un autre... ces forces extraterrestres n'ont pas l'intelligence nécessaire pour comprendre de quelle façon est codifiable l'intelligence dans un corps physique. Donc, ils ne créent que des clones ou des orchestrations plus ou moins semblables ou encore plus évoluées et qu'ils n'osent pas d'ailleurs habiter. Alors, ils reviennent régulièrement à rechercher de la génétique, soit en volant des femmes, en leur donnant des enfants et en les replaçant sur le contexte planétaire, soit en volant simplement des cellules, comme c'est passé dans le cas du mouvement raélien et dans d'autres phénomènes. Maintenant, il y a aussi les intraterrestres qui font partie des forces chambaléennes, nagarciennes, reliées aux mécanicités soit rimaniennes, soit sataniennes, soit lucifériennes. Et il y a ces forces qui vont avoir une tendance. Ces forces sont totalement écrasées. J'ai déjà expliqué que le monde intraterrestre était l'enfer. Bon. Et enfer, parce que c'est enfermé. Enfermé sous terre. À l'instant où l'être humain va commencer à s'anégoïser suffisamment d'une façon collective, c'est-à-dire lorsqu'il y aura suffisamment d'êtres humains dans une collectivité qui vont s'anégoïser, même si leur conscience reste individuelle, il y aura absorption des forces du monde de la mort. Donc, il y aura lentement dissolution de l'énergie du monde de la mort. Donc, il y aura dissolution du poids astral qui appuie sur la planète Terre et qui permet aux structures infernales, donc intraterrestres, de rester plantées dans... Ça commence quoi, à quelques pieds du sol et ça s'en va jusqu'au centre de notre planète. Plus l'être humain, par anégoïsation, va commencer à attaquer la sphère divine, la sphère céleste qu'on appelle le monde de la mort, plus la couche périspritique qui enveloppe l'âme planétaire, donc ce monde de la mort, et qui exerce une immense pression parce qu'extrêmement remplie, va commencer à... Plus cette enveloppe va commencer à perdre sa pression parce que le monde de la mort va être absorbé par l'humain, plus... La pression qui oblige les forces infernales, les forces intraterrestres à rester dans le centre de la Terre et dans la Terre va diminuer. Et plus ceux-là vont commencer à monter. Si on regarde, il fut une époque dans le coin du 17e siècle, 14, 15, 16 du 17e siècle, où le monde de la mort avait énormément perdu de sa puissance. C'était d'ailleurs à cette époque qu'on a inventé toute la structure de maquillage pour les femmes, ce qui a permis d'énergiser émotivement énormément le monde de la mort. On a inventé les structures de peinture, il y a eu le retour au Moyen Âge, il y a eu donc la Renaissance, il y a eu un paquet de choses dans le genre pour permettre de grossir cette structure et cela a permis d'enterrer un peu plus les forces infernales. Et c'est à partir donc de cette Renaissance, le Moyen Âge est abandonné, que les sorcières ont cessé d'être puissantes, que les loups-garous, les vampires ont commencé à disparaître, que la majorité de toutes les apparitions sataniques de l'époque ont commencé à être étouffées. Par contre, ce qui va arriver, c'est que il y a énormément de ces entités qui sont présentement plantées dans le centre de la Terre qui n'attendent qu'une seule chose, c'est que l'apocalypse arrive. En ce sens, c'est que l'être humain, que certains phénomènes humains se réveillent, dans le but que ceux-ci digèrent une partie du monde de la mort, et nécessairement cela va diminuer la tension périspiritique sur l'enfer, et ces forces vont commencer à pouvoir remonter à la surface, manipulant les êtres humains, les animaux humains, les plus faibles. Et cela va engendrer des volumétries, disons une propagation de problèmes qu'on reconnaît un peu dans l'Apocalypse de Saint-Jean, en ce qui concerne les gens qui se battent les uns contre les autres, et etc., etc., etc. Et ces intraterrestres vont être les premières forces que l'être humain devra digérer, détruire.